Chapitre 9e, la pièce d'eau des Suisses. Chacun connaît ce long carré glauque et moiré dans la belle saison, blanc et rugueux dans l'hiver, qui se nomme encore aujourd'hui la pièce d'eau des Suisses. Une allée de tilleuls qui tendent joyeusement au soleil, leurs bras rougissants, bordent chaque rive de l'étang. Cette allée est peuplée de promeneurs de tous rangs et de tous âges qui vont jouir du spectacle des traîneaux et des patins. Les toilettes des femmes offrent ce bruyant pêle-mêle du luxe un peu gênant de l'ancienne cour et la désinvolture un peu capricieuse de la nouvelle mode. Les hautes coiffures, les mantes ombrageants de jeunes fronts, les chapeaux d'étoffe en majorité, les manteaux de fourrure et les vastes falbalas des robes de soie font une bigarrure assez curieuse avec les habits rouges, les redingotes bleues de ciel, les livrées jaunes et les grandes lévites blanches. Des valets bleus et rouges fendent toute cette foule comme des coquelicots et des bleuets que le vent fait onduler sur les épis ou les trèfles. Parfois, un cri d'admiration part du milieu de l'assemblée. C'est que Saint-Georges, le hardi patineur, vient d'exécuter un cercle si parfait qu'un géomètre, en le mesurant, n'y trouverait pas un défaut sensible. Tandis que les rives de la pièce d'eau sont couvertes d'un tel nombre de spectateurs qu'ils se réchauffent par le contact et présentent de loin l'aspect d'un tabis bariolé, au-dessus duquel flotte une vapeur, celle des haleines que le froid saisit, la pièce d'eau elle-même, devenue un épais miroir de glace, présente l'aspect le plus varié et surtout le plus mouvant. Là, c'est un traîneau que trois énormes molosses, attelés comme aux troïkas russes, font voler sur la glace. Ces chiens, vêtus de carapaçons de velours armoriés, la tête coiffée de plumes flottantes, ressemblent à ces chimériques animaux des diableries de Callot ou des sorcelleries de Goya. Leur maître, M. de Lauzun, nonchalamment assis dans le traîneau bourré de peau de tigre, se penche sur le côté pour respirer librement, ce qu'il ne réussirait probablement pas à faire en suivant le fil du vent. Ça et là, quelques traîneaux d'une modeste allure cherchent l'isolement. Une dame masquée, sans doute à cause du froid, monte un de ces traîneaux tandis qu'un beau patineur, vêtu d'une houppelande de velours à brandebourgs d'or, se penche sur le dossier pour donner une impulsion plus rapide au traîneau qu'il pousse et dirige en même temps. Les paroles entre la dame masquée et le patineur à la houppelande de velours s'échangent à la portée du souffle et nul ne saurait blâmer un rendez-vous secret donné sous la voûte des cieux à la vue de Versailles tout entier. Ce qu'ils disent, qu'importe aux autres puisqu'on les voit. Qu'importe à eux qu'on les voit puisqu'on ne les entend pas. Il est évident qu'au milieu de tout ce monde, ils vivent d'une vie isolée. Ils passent dans la foule comme deux oiseaux voyageurs. Où vont-ils? À ce monde inconnu que toute âme cherche et qu'on appelle le bonheur. Tout à coup, au milieu de ces sylphes, qui glissent bien plus qu'ils ne marchent, il se fait un grand mouvement, il s'élève un grand tumulte. C'est que la reine vient d'apparaître au bord de la pièce d'eau des Suisses, qu'on l'a reconnue et qu'on s'apprête à lui céder la place quand elle fait de la main signe à chacun de demeurer. Le cri de vive la reine retentit. Puis, fort de la permission, patineurs qui volent et traîneaux qu'on pousse forment, comme par un mouvement électrique, un grand cercle autour de l'endroit où l'auguste visiteuse s'est arrêtée. L'attention générale est fixée sur elle. Les hommes alors se rapprochent par de savantes manœuvres. Les femmes s'ajustent avec une respectueuse décence. Enfin, chacun trouve moyen de se mêler presque au groupe de gentilshommes et de grands officiers qui viennent offrir leurs compliments à la reine. Parmi les principaux personnages que le public a remarqués, il en est un fort remarquable qui, au lieu de suivre l'impulsion générale et de venir au-devant de la reine, il en est un qui, au contraire, reconnaissant sa toilette et son entourage, quitte son traîneau et se jette dans une contre-allée où il disparaît avec les personnes de sa suite. Le comte d'Artois, que l'on remarquait au nombre des plus élégants et plus légers patineurs, ne fut pas des derniers à franchir l'espace qui le séparait de sa belle-sœur et à venir lui baiser la main. Puis, en lui baisant la main, « Voyez-vous, lui dit-il à l'oreille, comme notre frère monsieur de Provence vous évite. » Et en disant ces mots, il désignait du doigt l'altesse royale qui, à grands pas, marchait dans le taillis plein de givre pour aller par un détour à la recherche de son carrosse. « Il ne veut pas que je lui fasse des reproches, » dit la reine. « Oh, quant aux reproches qu'il attend, cela me regarde, et ce n'est point pour cela qu'il vous craint. »« C'est pour sa conscience, alors ?» dit gaiement la reine. « Pour autre chose encore, ma sœur. Pourquoi donc ? Je vais vous le dire. » Il vient d'apprendre que M. de Suffren Le glorieux vainqueur doit arriver ce soir, et comme la nouvelle est importante, il va vous la laisser ignorer. » La reine vit autour d'elle quelques curieux dont le respect n'éloignait pas tellement les oreilles qu'ils ne pussent entendre les paroles de son beau-frère. « Monsieur de Tavernet, dit-elle, soyez assez bon pour vous occuper de mon traîneau, je vous prie, et si votre père est là, embrassez-le, je vous donne congé pour un quart d'heure. » Le jeune homme s'inclina et traversa la foule pour aller exécuter l'ordre de la reine. La foule aussi avait compris. Elle a parfois des instincts merveilleux. Elle élargit le cercle, et la reine et le comte d'Artois se trouvèrent plus à l'aise. « Mon frère, dit alors la reine, expliquez-moi, je vous prie, ce que mon frère gagne ne point me faire part de l'arrivée de monsieur de Suffrène. Oh, ma sœur, est-il bien possible que vous, femme, reine et ennemie, vous ne saisissiez pas tout à coup l'intention de ce rusé politique? Monsieur de Suffrène arrive, nul ne le sait à la cour. Monsieur de Suffrène est le héros des mers de l'Inde et par conséquent a droit à une réception magnifique à Versailles. Donc, monsieur de Suffrène arrive. Le roi ignore son arrivée, le roi le néglige sans le savoir et par conséquent sans le vouloir. Vous de même, ma sœur. Tout au contraire, pendant ce temps, monsieur de Provence, qui sait l'arrivée de monsieur de Suffrène, lui, monsieur de Provence, accueille le marin, lui sourit, le caresse, lui fait un quatrain, et en se frottant au héros de l'Inde, il devient le héros de la France. C'est clair, dit la reine. Par Dieu, dit le comte. Vous n'oubliez qu'un seul point, mon cher gazetier, lequel ? Comment savez-vous tout ce beau projet de notre cher frère et beau-frère? Comment je le sais? Comme je sais tout ce qu'il fait. C'est bien simple. M'étant aperçu que M. de Provence prend à tâche de savoir tout ce que je fais, j'ai payé les gens qui me comptent tout ce qu'il fait, lui. Oh, cela pourra m'être utile. Et à vous aussi, ma sœur. Merci de votre alliance, mon frère, mais le roi. Eh bien, le roi est prévenu, par vous, oh non pas, par son ministre de la Marine, que je lui ai envoyé. Tout cela ne me regarde pas, vous comprenez? Moi, je suis trop frivole, trop dissipateur, trop fou, pour m'occuper de choses de cette importance. » Et le ministre de la Marine ignorait lui aussi l'arrivée de M. de Suffrène en France. « Et mon Dieu, ma chère sœur, vous avez connu assez de ministres, n'est-ce pas? Depuis 14 ans que vous êtes, ou dauphine, ou reine de France, pour savoir que ces messieurs ignorent toujours la chose importante. Eh bien, j'ai prévenu le nôtre et il est enthousiasmé. Je le crois bien. » Vous comprenez, chère sœur, voilà un homme qui me sera reconnaissant toute sa vie. Et justement, j'ai besoin de sa reconnaissance. Pour quoi faire? Pour négocier un emprunt. Oh, c'est qu'à la reine Orient, voilà que vous me gâtez votre belle action, ma sœur, dit le comte d'Artois d'un air grave. Vous devez avoir besoin d'argent. Foi de fils de France, je mets à votre disposition la moitié de la somme que je toucherai. Oh, mon frère, s'écria Marie-Antoinette, gardez. Dieu merci, je n'ai besoin de rien en ce moment. Diable, n'attendez pas trop longtemps pour réclamer ma promesse, chère sœur. Pourquoi cela? Parce que je pourrais bien, si vous attendiez trop longtemps, n'être plus en mesure de la tenir. Eh bien, en ce cas, je m'arrangerai aussi, moi, de façon à découvrir quelques secrets d'État. Ma sœur, vous prenez froid, dit le prince. Vos joues bleuissent, je vous en préviens. Voici monsieur de Tavernet qui revient avec mon traîneau. Alors, vous n'avez plus besoin de moi, ma sœur? Non. En ce cas, chassez-moi, je vous prie. Pourquoi? Vous figurez-vous, par hasard, que vous me gênez en quelque chose que ce soit? Non pas, c'est moi, au contraire, qui ai besoin de ma liberté. Adieu, alors. Au revoir, chère sœur. Quand? Ce soir. Qu'a-t-il donc, ce soir? Il n'y a pas, mais il y aura. Eh bien, qui aura-t-il? Il y aura grand monde au jeu du roi. Pourquoi cela? Parce que le ministre amènera ce soir M. de Suffrène. Très bien, à ce soir, alors. À ces mots, le jeune prince salua sa sœur avec cette charmante courtoisie qui lui était naturelle et disparut dans la foule. Tavernet père avait suivi des yeux son fils, tandis qu'il s'éloignait de la reine pour s'occuper du traîneau. Mais bientôt, ce regard vigilant était revenu à la reine. Cette conversation animée de Marie-Antoinette avec son beau-frère n'était pas sans lui donner quelques inquiétudes, car cette conversation coupait en deux toute la familiarité témoignée naguère encore à son fils par la reine. Aussi se contenta-t-il de faire un geste amical à Philippe quand celui-ci acheva de terminer les préparatifs indispensables au départ du traîneau, et le jeune homme, ayant voulu, comme le lui prescrivait la reine, aller embrasser son père, qu'il n'avait pas embrassé depuis 10 ans, celui-ci l'éloignait de la main en disant « Plus tard, reviens après ton service et nous causerons. » Philippe s'éloigna donc, et le baron vit avec joie que M. le comte d'Artois avait pris congé de la reine. Celle-ci entra dans le traîneau et fit entrer André avec elle, et comme deux grands éducs se présentaient pour pousser le traîneau, « Non pas, non pas !» dit la reine, « je ne veux point aller de cette façon. Est-ce que vous ne patinez pas, monsieur de Tavernay ?»« Pardonnez-moi, madame, » répondit Philippe. « Donnez des patins, monsieur le chevalier, » ordonna la reine, puis, se retournant de son côté, « Je ne sais quoi me dit que vous patinez aussi bien que Saint-Georges, » ajouta-t-elle. « Mais déjà autrefois, » dit André, « Philippe patinait fort élégamment. » « Et maintenant, vous ne connaissez plus de rival, n'est-ce pas, monsieur le Tavernay ?»« Madame, » dit Philippe, « puisque votre majesté a cette confiance en moi, je vais faire de mon mieux. » En disant ces mots, Philippe s'était déjà armé de patins tranchants et affilés comme des lames. Il se plaça alors derrière le traîneau, lui donna l'impulsion d'une main, et la course commença. On vit alors un curieux spectacle. Saint-Georges, le roi des gymnastes, Saint-Georges, l'élégant mulâtre, l'homme à la mode, l'homme supérieur dans tous les exercices du corps, Saint-Georges devinait un rival dans ce jeune homme qui osait se lancer près de lui dans la carrière. Aussi se mit-il aussitôt à voltiger autour du traîneau de la reine, avec des révérences si respectueuses, si pleines de charme, que jamais courtisan solide sur le parquet de Versailles n'en avait exécuté de plus séduisante. Il décrivait autour du traîneau les cercles les plus rapides et les plus justes, l'enlaçant par une suite d'anneaux merveilleusement soudés l'un à l'autre, de sorte que sa courbe nouvelle prenait toujours l'arrivée du traîneau, lequel le laissait derrière. Après quoi, d'un coup de patin vigoureux, il regagnait par l'ellipse tout ce qu'il avait perdu d'avance. Nul, pas même avec le regard, ne pouvait suivre cette manœuvre sans être étourdi, ébloui, émerveillé. Alors Philippe, piqué au jeu, prit un parti plein de témérité. Il lança le traîneau avec une si effrayante rapidité que deux fois Saint-Georges, au lieu de se trouver devant lui, acheva son cercle derrière lui, et comme la vitesse du traîneau faisait pousser à beaucoup de gens des cris d'effroi qui eussent pu effrayer la reine. « Si Sa Majesté le désire, dit Philippe, je m'arrêterai, ou du moins je ralentirai la course. »« Oh non, non !» s'écria la reine avec cette ardeur fougueuse qu'elle mettait dans le travail comme dans le plaisir. « Non, je n'ai pas peur. Plus vite si vous pouvez, chevalier, plus vite. »« Oh, tant mieux. Merci de la permission, madame. Je vous tiens bien. Rapportez-vous-en à moi. » Et comme sa robuste main s'affermit de nouveau au triangle du dossier, le mouvement fut si vigoureux que tout le traîneau trembla. Alors, appliquant au traîneau sa seconde main, effort qu'il avait dédaigné jusque-là, il entraîna la machine comme un jouet dans ses mains d'acier. À partir de ce moment, il croisa chacun des cercles de Saint-Georges par des cercles plus grands encore, de sorte que le traîneau se mouvait comme l'homme le plus souple, tournant et se retournant sur toute sa longueur, comme s'il se fût agi de ces simples semelles sur lesquelles Saint-Georges labourait la glace. Malgré la masse, malgré le poids, malgré l'étendue, le traîneau de la reine s'était fait patin. Il vivait, il volait, il tourbillonnait comme un danseur. Saint-Georges, plus gracieux, plus fin, plus correct dans ses méandres, commença bientôt à s'inquiéter. Il patinait déjà depuis une heure. Philippe, en le voyant tout en sueur, en remarquant les efforts de ses jarrets frémissants, résolut de l'abattre par la fatigue. Il changea de marche, et abandonnant les cercles qui lui donnaient la peine de soulever chaque fois le traîneau, il lança droit devant lui l'équipage. Le traîneau partit plus rapide qu'une flèche. Saint-Georges, d'un seul coup de jarret, l'eut bientôt rejoint. Mais Philippe avait saisi le moment où la seconde impulsion multipliait l'élan de la première. Il poussa donc le traîneau sur une couche de glace encore intacte, et se fait avec tant de raideur qu'il demeura, lui, en arrière. Saint-Georges s'élança pour attraper le traîneau, mais alors Philippe, rassemblant sa force, glissa si finement sur l'extrême courbure du patin qu'il passa devant Saint-Georges et vint poser ses deux mains sur le traîneau. Puis, par un mouvement herculéen, il fit faire au traîneau volte-face et le lança de nouveau dans le sens contraire, tandis que Saint-Georges, emporté par son suprême effort, ne pouvant retenir sa course, et perdant un espace irrécupérable, demeura complètement distancé. L'air retentit de telles acclamations que Philippe en rougit de honte. Mais il fut bien surpris quand la reine, après avoir battu elle-même des mains, se retourna de son côté et, avec l'accent d'une voluptueuse oppression, lui dit « Oh, monsieur de Tavernay, à présent que la victoire vous a resté, grâce, grâce, vous me tueriez !»